toi pour trouver un balcon avec vue sur toi. Moi, tu sais, j'ai le cœur long. Je compte sur toi pour m'écrire des lettres où ça parle de moi et où tu envoies paître le dernier bombardement que t'entends aux infos. En Chine ou en Iran, pour moi le ciel est beau. Et compte pas sur moi pour te faire oublier qu'à chaque heure, chaque mois, il te faudra m'aimer. Je t'apprendrai à faire semblant de comprendre à la télé pourquoi les hommes se font peur. Pose donc ta rame sur ma berge, sur ma rive. Éteins ces flammes, même si des cons les ravivent. Tu as compris pourquoi les hommes n'ont pas d'ailes, tu me l'as dit, leur morale est trop cruelle. Je pose la question tous les jours au bon Dieu, si on était moins con, serait-on plus heureux? Mais papa, réponds à tous mes voeux. Même si j'ai pas la foi, je vais pas mourir malheureux. Je demande pas le paradis, je veux juste être avec elle. Prête-moi là une vie, elle me donne des ailes. Elle est si jolie quand elle me parle de toi. Me dit Dieu est gentil, sinon tu serais pas là. Je demande pas le paradis, je veux juste être avec elle. Prête-moi là une vie, elle me donne des ailes. Elle est si jolie quand elle me parle de toi. Elle dit Dieu est gentil, sinon tu serais pas là. Pose donc ta rame sur ma berge, sur ma rive. Éteins ses fleurs, même si les cons les ravirent. Mais pose donc ta rame sur ma berge, sur ma rive.